Auditeurs de Canal B, c'est l'asile le plus sûr, une émission qui ne vous laisse pas tomber et qui pense à vous même en veille de 11 novembre sur l'antenne du 94, donc pour le direct le lundi ou aussi en rediffusion à partir de 23h. Ça c'est pour l'écoute dans un poste à Galène à l'ancienne et pour la diffusion internet à partir du blog asile35.blogspot.fr. Parallèlement aussi sur lemixcloud.com/redman. On attaque avec une formation qu'on vous a beaucoup proposée en fin d'année 2013 et premier semestre 2014. Un groupe de Boston, Massachusetts, puisqu'on adore les groupes du Massachusetts et surtout évidemment le prononcer. Il s'agit des Guerrillatos, une machine de guerre de noise rock entre les Buttle Surfers, les Melt Banana, pour faire simple, notamment pour la voix de sa chanteuse hurleuse haut perché dans tous les sens du terme, Cassie Carlson. Donc les Guerrillatos, dont on avait diffusé les précédents LP qui étaient sortis chez Tzadik et NNA Tapes, et qui reviennent cet automne avec un tout nouvel EP, 4 titres, qui sort ces jours-ci sur le label de Burlington dans le Vermont, le label NNA Tapes, donc, qui avait sorti leur excellent disque Guerilla Disco. Ça sort en cassette et c'est offert aussi en streaming très gracieusement sur leur Bandcamp depuis quelques jours, et un bonheur n'arrivant jamais seul, les Guerrillatos sont en tournée en cette fin de mois de novembre, à partir du 22 très exactement jusqu'à la mi-décembre en Europe, avec quelques dates du côté de la France, notamment à Montreuil aux Instants Chavirés le 26, ou encore à Marseille et Lyon les 5 et 6 décembre, qu'on se le dise. Et on écoute donc le titre qui démarre ce formidable EP de Guerillatos. Le morceau et le disque que je vais vous citer. Le temps de retrouver mes petites notes. Il s'agit de Smack the Brick, donc par Guerillatos. Et on écoute le titre éponyme, Smack the Brick. Ce titre tout aussi chaotique, incroyablement funky des gens de Guerillatos. Tout d'abord, le quatuor américain avec un extrait donc, de son dernier EP Smack the Brick. Ils sont vraiment très très productifs, hein, tous les 2, 3, 3, 3 ou 4 mois. Ils sortent de nouvelles pièces sur à peu près tous les formats. Et là, il s'agit d'une cassette qui sort donc sur un label qui avait sorti leur précédent album long. Il s'agit de NNA Tapes. Excellent donc EP Smack the Brick qui est également écoutable sur le bandcamp du groupe guerillatos.bandcamp.fr. Bandcamp.com évidemment. C'était enchaîné avec un autre projet de Cassie Carlson, qui est la voix acidulée ou acide selon, de Guerillatos sous l'alias Jane La Honde ou encore Jane La Honda. Un projet entièrement toute seule, au clavier plutôt cheap, boîte à rythme et voix évidemment. Donc pièce entièrement homemade, très très lo-fi, qu'elle avait fait paraître en plusieurs formes aussi sur cassette, cette fois encore chez Feeding Tube Records, qui vient de rééditer ce projet en LP, split LP plus exactement, en compagnie de The Size Queen, qui est un autre projet ou side project comme on dit de Guerillatos, dans laquelle on la retrouve là encore aux côtés du batteur Nick Baker. Voilà pour les gens de Guerillatos. On va continuer avec un disque qu'on vous avait proposé lors de sa sortie le mois dernier. Il s'agit de Il Sogno del Marinaio ou encore The Sailor's Dream. Et le deuxième album du groupe, sous le titre Canto Secondo, il s'agit du projet du légendaire bassiste des Minute Men, monsieur Mike Watt, en compagnie de deux Italiens, le guitariste Stefano Piglia et le batteur émérite Andrea Belfi, croisé dans quantité de choses ces derniers temps, notamment dans les projets BBS, B/B/S, Obo Combo et autres groupes constitué par le guitariste chanteur David Groobs. Il Sogno del Marinaio, qui est une demande d'un auditeur. Voilà, on fait les disques à la demande et c'est assez normal en cette veille de 11 novembre. Donc c'est dédié à Monsieur Joe et on écoute un morceau qui démarre comme un vieux rock, The Sailor Blues par Il Sogno del Marinaio. Thank you. l'instant dans l'asile plus sûr, on a démarré avec Il Sogno del Marinaio, qui n'était pas du tout une allusion à la route du rock, mais un clin d'œil à un auditeur fidèle, en la personne de Jo, qui était enchaîné avec le retour du projet de Chess Smith, Ziz Archies, Chess Smith and Ziz Archies, et le disque International OUA, sorti chez les Polonais de Fortune, un quintet all-star américain qui réunit autour du batteur, batteur qu'on avait d'ailleurs écouté la semaine dernière aussi dans l'Asile le plus sûr au sein des Secret Chief 3. Et donc il réunit autour de lui pour Ziz Archies, l'accordéono claviériste Andrea Parkins, la gratteuse Marie Alvorson et les deux sax surpuissamment inventifs Tim Bern, qu'on ne présente plus, et Tony Malaby encore moins. Alors, il s'agit d'un troisième disque en date, un disque enregistré live en 2012, juste après leur premier album et juste avant l'exceptionnel Hammered qui était sorti chez Clean Feed en 2013, et quand vous avez passé d'ailleurs aussi dans cette même émission à cette occasion. Alors un disque qui souffre un peu des problèmes des lives de quand ils sont enregistrés un peu sur le vif, manque peut-être un petit peu de dynamique, mais en tout cas on voit vraiment tout le potentiel des cinq musiciens qui sont vraiment des gens très très importants du jazz contemporain et des musiques improvisées et aussi à tantinet rock. On va continuer avec le batteur italien du projet Il Sogno del Marinaio, donc le sublissime Andrea Belfi, ex-membre de Medviz et aussi Obo Combo, BBS, quantité d'autres choses, comme je vous le disais. Il nous avait gratifié de deux disques solo qui étaient assez magiques en 2008 chez Die Schachtel, l'album Notes, qui s'était suivi aussi d'un disque un peu plus près de nous en 2012 sur Room 40 sous le titre Vadieu. Et donc il récidive avec un album donc de ses compositions électroacoustiques qui mélange percussion, musique un peu dronesque avec des travaux sur les fréquences sous le titre Natura Morta. Ça sort sur le label Miasma, qui est le label d'ailleurs de norvégien ou islandais plutôt, je crois, islandais, le label qui sort donc les productions notamment de monsieur Eric Svotkivin, alias Svart Greiner, qui lui fait partie donc de BBS aux côtés de Andrea Belfi, et qui n'a pas hésité 5 secondes évidemment à publier les excellentes compositions de Andrea Belfi. Je propose d'écouter un titre qui est assez long, il doit faire une petite huitaine de musiques. Il s'intitule Roteano. On écoute Andrea Belfi dans l'Asile obscur. New invention, just an estate with a bit of green and a silly name. An everyday kid in London to say. The house and the people of London to say. Only one person in London to say. Only one person whose wife felt bored. He went around with nowhere to go. And people called after him in the street. And kept an eye on him in the shops. But he must have had some kind of... Thank you. Alors, Saziki, c'était quoi cette séquence électronique pas piqué des hannetons? Tout d'abord, Andrea Belfi, extrait de son dernier disque en date, Natura Morta, qui vient tout juste de sortir chez Miasma, excellent LP du batteur assez cultissime, en tout cas pour l'asile le plus sûr, de ses compositions plutôt électroacoustiques, cette fois en solo, qui était enchaîné avec une vraie découverte de l'asile pour cette semaine, en la personne de Philip Johnson, figure méconnue des débuts de la musique industrielle, qui a refait surface en cette année 2014, tout d'abord avec Use in Morning, donc avec un petit jeu de mots, qui était le disque qu'on écoutait juste après Andrea Belfi au milieu de la séquence, qui était à l'origine une cassette sortie en 1982, puisque c'est quelqu'un qui s'est principalement fait connaître par une série de cassettes entre 79 et 91. Il en a sorti une bonne douzaine en date, faisant de lui une sorte de vétéran des musiques industrielles underground sur ce support. Ça vient tout juste d'être réédité en 33 tours par le label spécialisé dans les archives et bizarreries 70s-80s de San Francisco, Superior Viaduct. Un disque qui est constitué d'audio collages plutôt abrasifs, sur lesquels il superpose sa voix plutôt énervée à la Mark E. Smith, avec son accent londonien de Cockney, Philip Johnson. Et c'était juste enchaîné avec une pièce extraite d'un tout nouvel album sous le titre Minumarine, qui constitue son premier album nouveau depuis 20 ans. Donc pour Philip Johnson, c'est sorti ses bandes au printemps dernier grâce au bon soin de Year Zero Records. Donc une sorte de collage sonore qui convoque tout autant la noise que des samples mélangés à des drones assez étranges et des pièces de composition proto-contemporaine assez nouvelle. Et c'est vraiment très très très bon, ce Minumarine de Year Zero Records. Et d'ailleurs, cerise sur le dessert, ce disque est entièrement téléchargeable chez ce même label sur son site year-zero-records.blogspot.fr. D'ailleurs, on mettra l'adresse aussi sur le blog de l'asile, asile35.blogspot.fr. Donc vous aurez juste à cliquer à partir de la page de l'émission. Voilà pour découvrir la musique de Philip Johnson, vraiment le Minumarine à télécharger de toute urgence. On va continuer avec un duo d'improvisateurs en la personne de Birgitte Uller, qui rencontre son compatriote Gregory Butner sur le disque qui vient tout juste de sortir, avec un titre d'ailleurs assez amusant, Harry P. Pipra. Donc c'est totalement Harry P. Pera, pardon, c'est très très dur à dire. Et c'est sorti chez Hyderus Replica, qui est le propre label de Gregory Butner. Donc Birgitte Hüller, qui est une improvisatrice allemande, donc qui a joué aux côtés d'à peu près tout le Who's Who des musiques improvisées européennes, notamment Roger Turner, John Edwards, l'European Improvisation Orchestra, dans lesquels on retrouvait Tim Hodgkinson, Victor Nubla, Raymond Strid, etc. Donc depuis à peu près le début des années 80 et depuis les années 90-2000, elle joue aux côtés de musiciens plutôt estampillés réductionnistes, comme on dit, tels que Rhodri Davis. Et elle a une particularité, cette femme-là, c'est qu'elle couple souvent sa trompette à un dispositif électroacoustique qui mélange ondes radio et objet amplifié. Quant à Gregory Butner, que je découvre avec ce disque, il s'agit d'un musicien spécialisé dans le sound art et l'électroacoustique qui est basé à Hambourg. Ils avaient fait paraître apparemment un premier disque en duo sous le titre Terrix, que je n'ai pas du tout écouté. En tout cas, celui-ci est vraiment très très bon. Ce Harari Pays Pra, qui est un disque vraiment très très ciselé de musique improvisée, abstraite et aussi un peu réductionniste sur les bords. On écoute ça tout de suite dans l'Asie le plus sûr.

De duo trompette électronique Paul Pridin, on est comme ça dans l'asile le plus sûr. C'était tout d'abord Birgit Huller et Grégory Butner, extrait de l'album Harari Pays Prat. Donc un duo avec une démarche plutôt contemplative et d'improvisation abstraite, plutôt une démarche aux antipodes et diamétralement opposée, comme on dit, avec le duo entre Sam Pluta et Peter Evans, et le disque Event Horizon qui est sorti le mois dernier, qui consiste en performance live de ce duo new-yorkais enregistré sur le vif, donc à Toronto, et qui est sorti chez Career Records, le propre label de monsieur Pluta, qui est un compositeur et performeur de Live Electronics, basé donc dans la Grosse Pomme à New York City, et qui rencontre donc son compatriote Peter Evans, qu'on ne présente plus, qui est un peu le roi de la trompette à New York depuis quelques années, connu principalement par son groupe de proto ou de meta jazz, Mostly Other People Do The Killing. Ils avaient déjà travaillé ensemble, ces deux-là, c'est pas très étonnant vu l'inventivité qui émane de leurs deux cervelles. Et donc on avait eu un trio, notamment Evans plus tard en compagnie du violoniste Jim Altieri, sous le titre Some and Difference, qui était sorti également chez Career Records, et on vous avait passé ça notamment pour la spéciale qu'on avait consacrée aux trompettistes américains dans cette même émission. On va continuer avec un musicien qu'on vous propose très régulièrement, puisque on a passé sa musique il n'y a pas moins d'une quinzaine de jours. Il s'agit du batteur Paul Nissenlove, qui est évidemment fort connu pour quantité de projets, notamment The Thing, aux côtés de Mats Gustafsson et Atomic, et quantité d'autres projets et collaborations. Il vient de monter une grande formation sous le titre Large Unique, qui réunit une douzaine de ses compatriotes, donc un gang de Norvégiens qui est un peu la relève des big bands free, façon le Peter Brotzmann Tintet, le regretté Tintet du colosse de Wuppertal qui s'est fait seppuku, qui a sabordé son propre big band il y a de ça 2-3 ans. On a connu aussi dans le même registre par exemple le circulationné totalé de monsieur Frode Gerkstadt pour rester en Europe du Nord dans le jazz free en grand orchestre, ou encore l'italien Instabile Orchestra pour ne citer que quelques-uns. Et donc monsieur Paul Nissenlove qui a une production très phénoménale, notamment grâce à son propre label PNL Records sur lequel il produit beaucoup, a sorti donc un coffret 3 disques CD de ce large unit sous le titre Erta Ale. Apparemment ça devrait sortir également en cassette et en vinyle pour les collectionneurs les plus affûtés, et on y retrouve 3 disques, donc des compositions enregistré live en studio, ainsi qu'un live à Mwers par exemple, plus un livret de photos prises sur le vif lors de différentes sessions, de ces différentes sessions par Peter Ganuskin de downtownmusic.net, et un très beau livret aussi avec des textes, donc un texte plutôt et une belle photo également, donc dans ce coffret du Large Unit et de ce disque Erta Ale. Et apparemment donc c'est une formation évidemment en devenir et à géométrie variable, Paul Nissenlove ayant même prévu d'y intégrer des musiciens brésiliens, notamment les gens qu'il a rencontrés dans le collectif Quint Avant, et avec lequel il a sorti un autre très beau disque sous le titre Botafogo, celui qu'on vous passait la fois précédente. Mais place donc à Erta Ale par le Large Unit, on écoute ça tout de suite. We'll be right back. Ha ha ha! Quella cosa non ricaccia. Un'altra canale. Une série de trois titres pour terminer en beauté l'asile de cette semaine avec tout d'abord un extrait d'un coffret assez étendu, trois disques au total de la nouvelle grande formation de Pal Nice and Love qui s'intitule Large Unit, un coffret réunit tout ça sous le titre Hertha Ale, sorti sur son propre label PNL Records, donc du free jazz dans la lignée des big bands free, qui était enchaîné avec le projet collaboratif qui réunissait la chanteuse et percussionniste Anna Homler aux côtés de ses camarades Vladkovic Kaiser et Scott Walton sur le disque Here, Here and Here, le bien nommé sur le label Phantom, ce qui est très très dur à dire là encore. Des improvisateurs plutôt inspirés. Anna Homler qu'on connaît depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, elle officie très largement dans les musiques improvisées et nouvelles. Quant aux autres musiciens, c'est des nouveaux venus en ce qui me concerne. Jeff Kaiser aux trompettes et bugles, Scott Walton à la basse et Rich West à la batterie, un disque donc sorti d'ailleurs par le trompettiste qui fait partie de cette coopérative que je découvre avec vous, la coopérative du label Phantom, mais qui est assez active semble-t-il. En tout cas, très très beau disque de musique improvisée avec donc sur les titres qu'on entendait un petit côté Iva Bitova pratiquement pour ces deux morceaux extraits des 15 improvisations de ce disque Here, Here and Here. Voilà deux annonces concerts aussi pour bien terminer la semaine. Et cette semaine à Rennes, il y a un concert de musique improvisée aux ateliers d'Aran à ne pas manquer. Concert qui réunira Nush Verkovska au synthé et Chaos Pad aux côtés d'Hervé Le Bitter à la guitare, Sibyl Gauchard à la clarinette et Nicolas Demarchelier à la guitare. Tout ça pour 5 euros. Ouverture de l'atelier d'Aran au 10 rue des 30 à Rennes à 19h et le concert à 20h30. Repas possible aussi sur place. Voilà donc plus d'informations peut-être en envoyant un mail à atelier.daran@gmail.com. Je voulais aussi vous signaler que la semaine prochaine nous serons en compagnie de notre camarade Vincent Roussel pour une émission très particulière qui sera entièrement centrée sur le free jazz, donc ça risque d'être assez cinglant lundi de la semaine prochaine, et ce sera en prélude à la soirée qu'il donnera avec son projet, son duo free Raskolnikov, qui jouera le vendredi 21 novembre à la Maison de la Grève, rue Le Graveran, en compagnie du trio double sax batterie originaire de l'Aveyron, Piac. Donc tout ça le vendredi 21 novembre pour une entrée en prix libre. C'est organisé par Interzone et on en parlera bien évidemment toute la semaine, toute la prochaine émission. On se quitte avec un dernier disque plutôt de... un disque de synthèse modulaire et Field Recordings qui réunit les deux vétérans Lawrence English et Stephen Vitiello. Il s'intitule Fable, il est sorti sur Dragon's Eye Recordings et c'est leur seconde collaboration. La première datait de 2011 avec un disque qu'ils avaient sorti tous les deux chez les Portugais de Chronica sous le titre Acute In Betweens, et c'est une collaboration assez magique avec une palette pépite sonore très chatoyante. Je voulais aussi vous rappeler bien évidemment que vous pouvez réécouter l'ensemble de cette sélection avec l'intégralité de sa playlist sur le blog asile35.blogspot.fr. On se quitte avec la musique de Lawrence English et Stephen Vitiello, le titre Over Inland qui démarre ce très beau disque Fable. Excellent mardi 11 à vous et très belle semaine, à bientôt.